Chapitre 6e. Le temps avait changé le lendemain lorsque la maîtresse de Kleinwald sortit de son profond sommeil. Un clair soleil de mars inondait sa chambre par les trois hautes fenêtres. Elle se leva joyeuse, mais presque aussitôt, le souvenir d'un épisode désagréable survenu la veille au soir va mettre une ombre à sa joie. Suzy, demeurée longtemps invisible, n'était sortie de sa conférence avec Hilton qu'à l'heure du souper. Le premier coup d'œil jeté sur la table mise, jambon cru, saucisse froide, œufs et café tiède, avait un regard d'inexprimable dégoût. Refusant de manger, refusant de parler, refusant de sourire, elle assista au repas muette et immobile, pareille à la statue de l'indignation. Et aussitôt qu'on eut regagné le salon, elle annonça la décision fixe et inaltérable de reprendre le lendemain la route de l'Angleterre. Elle n'avait jamais avant ce jour, disait-elle, vécu parmi les sauvages et ne désirait pas pousser plus loin l'expérience. En dépit de ces belles phrases, l'impression générale fut que le camériste avait fait une scène, posé un ultimatum et que là était la vraie raison de ce départ précipité. Mais quoi que chacun pût penser, Suzy n'en demeura pas moins immuable dans sa résolution. Et après avoir essayé en vain de tous les arguments pour la fléchir, il fallut bien qu'Anna, réunissant tout son courage pour parler en femme affranchie à une belle-sœur jusqu'ici autocrate absolue, lui notifia de son côté une détermination non moins immuable de demeurer, au moins provisoirement, où elle était. Elle ne pouvait, allégua-t-elle, lorsque Suzy, étonnée et furieuse, lui demanda raison de cette révolte inattendue, elle ne pouvait décemment quitter Kleinwald, le lendemain, ayant expressément invité du monde à dîner ce jour-là. L'affaire devint alors très chaude. Suzy s'emporta complètement, empilant les épithètes injurieuses tant sur Anna que sur ses invités, menaçant d'emmener Miss Leach et Letty, bref, laissa voir dans tout son naturel le côté Dobbs qu'elle tenait parfaitement muselé d'habitude. Longtemps elle fit rage, tandis qu'Anna, silencieuse et résolue, se taisait, que Letty tremblait de voir arracher de ses lèvres la coupe de délices à peine entamée, et que Miss Leach, aussi tremblante qu'elle, se retirait dans sa chambre où les courses effrénées des rats, soit au-dessus de sa tête, soit derrière les boiseries, la terre longtemps éveillée, le cœur battant et l'âme inquiète. Car elle essaya vainement de noyer ses terreurs en pensant aux vertus de M. Jessop. Pour une fois, ce cordial infaillible manqua son effet et devant la réalité inquiétante des rats, les mérites imaginaires du fiancé demeurèrent sans pouvoir. En fin de compte, Suzy, qui au fond n'avait aucune envie de se charger de Miss Leach et de Letty, finit par consentir les laisser à Kleinwald pour une période indéfinie, mais sans transiger aucunement quant à l'heure de son propre départ, et se retira pour la nuit, sans vouloir se réconcilier avec sa belle-sœur. Voilà quels étaient les souvenirs qui jetaient un peu d'ombre sous le réveil de Miss Estcourt. Mais quelle ombre n'aurait été dispersée par un si doux soleil? La journée s'annonçait pure, claire et paisible, autant que la veille avait été sombre et agitée. Anna courut à l'une des trois fenêtres, l'ouvrit toute grande. Quel air frais, salubre, embaumé de marée et de la senteur des pins lui monte au visage, l'enveloppe toute. Elle se pencha au dehors, buvant à longs traits cette adorable fraîcheur. Le jardin s'embellisait de tous les diamants de la rosée. Le bras de mer d'un bleu splendide se frangeait d'une neige écumante. Là où la vague allait rencontrer vis-à-vis d'elle la ligne vaporeuse de l'île de Rügen, la forêt de pins toujours vert, de bouleaux encore nus faisaient entendre au nord-ouest son murmure berceur. Ah, que l'on était bien ici! Que cette brise, ces parfums, ces murmures étaient doux, rafraîchissants, exquis! Comment avait-elle jamais pu respirer ailleurs que dans l'atmosphère vivifiante de la mer et de la forêt? Ce jardin rustique, où tout poussait à la grâce de Dieu, elle le trouvait plus beau que les corbeilles, parterre et plate-bande escorte, avec leur émondage et ratissage éternel et leur armée de jardiniers. Elle se hâta de descendre aussitôt sa toilette faite, et enveloppant d'un coup d'œil ravi la mer, la lande et le ciel, elle se dit qu'elle n'avait jamais vu un endroit où il serait plus facile et plus naturel d'embrasser la vie sobre, active et utile, la vie meilleure, préconisée par l'oncle Joachim. Ici, libération absolue des devoirs et de l'esclavage mondain, une solitude idéale, limitée par la ceinture des bois et de la mer. Une population simple, pieuse, dévouée. N'avait-elle pas vu Delvig verser des larmes sur la mémoire de son maître? Ici, chaque journée apporterait quelque chose à son perfectionnement moral, laisserait après elle la satisfaction de quelque bonne œuvre accomplie. Toute sa vie, elle avait aspiré à faire le bien, sans trouver la possibilité de réaliser ses ambitions, prise qu'elle était par les mille obligations de la vie mondaine et, d'autre part, ne disposant pas d'un centime qu'elle pût appeler sien. Aujourd'hui, quelle différence! La carrière était ouverte devant elle. Elle n'avait qu'à choisir son chemin, mais quel choisir? Pensive, heureuse, irrésolue, elle franchit la route, pénétra dans la forêt. Le soleil, passant à travers les tiges droites des pins, la réchauffait doucement. L'alouette chantait à plein gosier. Pour la première fois, elle eut la sensation de trouver sa patrie. Ce pauvre pays rude et sauvage, comparé aux gras pâturages, aux fermes opulentes qui partout marquent le paysage anglais, éveillait en elle une sorte d'intense compassion mêlée d'amour et de respect. « Assez de rêveries sans but, » se dit-elle soudain, « il faut prendre un parti. » Et, déboutonnant sa jaquette de fourrure d'un air déterminé, elle s'assit sur un tronc d'arbre renversé et se mit résolument à faire son plan de vie. Suzy, dédaignant de paraître à la table du déjeuner, était en train de déguster un œuf battu dans du lait tandis que Hilton faisait ses malles lorsqu'Anna frappa à la porte. « Entrez, » dit Lady Estcourt, et sans autre préambule, « avez-vous consulté l'horaire des trains ?»« Oui, il y en a un qui part à 2 heures. »« J'aimerais mieux partir plus tôt. » « Vous le pouvez si vous préférez lunch à Stralsund. »« Je le préfère, et j'ajoute qu'il ne me plaît guère de laisser ma fille parmi les barbares. » »« Mais vous me forcez la main. Je connais trop mon devoir pour vous laisser seule ici. » Anna jette sans répondre un regard du côté de la femme de chambre en train de plier des robes avec une lenteur calculée. « Allez déjeuner, s'il vous plaît, Hilton. Vous finirez vos mal plus tard. »« Mademoiselle a-t-elle dit déjeuner ?» demande Hilton d'un air innocent. « Déjeuner ?» répète Suzy aigrement, la question de savoir de quoi elle pourrait déjeuner. « Très bien, » fait Anna tranquille, « qu'elle ne déjeune pas alors, mais qu'elle sorte, j'ai à vous parler. »« En vérité, ma chère, voilà qui est hospitalier, tous mes compliments. »« Mon Dieu, il me semble qu'on peut subsister avec les vivres de la maison sans prendre des mines tragiques, surtout quand il ne s'agit que d'un jour d'abstinence. »« J'en porterai en tout cas une satisfaction, c'est de savoir laiter au régime de la diète. » « Espérons que vous allez me la ramener diaphane, » fait Suzy, très amère. Ici, Anna se lève et s'en va vers la fenêtre, non sans montrer quelque agitation. « Suzy, j'ai réfléchi très sérieusement ce matin, » commence-t-elle avec effort. « Je suis charmée de l'apprendre. Et j'ai trouvé, je crois, à quel plan d'avenir je dois m'arrêter. Mais je crains qu'il vous paraisse déraisonnable. Il y a des chances. Je vais demeurer à Kleinwald. » « Vous me l'aviez annoncé hier soir, je crois. »« Je ne parle pas seulement du temps de vacances de Letty, je veux dire pour toujours. » risque Anna, non sans trembler un peu. « Pour toujours ?» répète Suzy, incrédule et déjà furieuse. « Ne me grondez pas !» implore Miss Estcourt, venant s'asseoir près d'elle et lui prendre la main. « Écoutez-moi avec patience. Depuis la première minute où je me suis vue en possession de cette fortune, j'ai décidé de l'employer à faire des heureux. Seulement, je ne voyais que confusément le chemin à suivre. Ce matin, il m'est apparu nettement. Je me suis rappelé le précepte du catéchisme sur notre devoir envers Dieu et envers le prochain et envers nous-mêmes. « Juste ciel !» crie Suzy, retirant sa main avec irritation. « Venez-vous me parler catéchisme à 8 heures du matin, avant même que j'aie déjeuné ? Et c'est pour cela qu'il fallait renvoyer Hilton ?»« Eh bien ?» continue Anna rêveuse. « Je suis venu à la conclusion que c'est précisément en faisant ce que nous nous devons à nous-mêmes que nous accomplissons notre devoir envers Dieu. » Suzy hausse les épaules avec exaspération. Elle trouve positivement indécent de parler de choses sacrées de si bonne heure et dans une chambre à coucher. « Quel rapport y a-t-il entre ces réflexions édifiantes et votre projet de séjour à Kleinwald ?»« Un rapport direct. Si mon devoir envers moi-même est d'être bonne et heureuse autant que faire se peut, mon devoir envers le prochain... » « Encore ? Et de travailler à le rendre aussi bon, aussi heureux qu'il est en mon pouvoir. N'oubliez pas les convenances, ma chère amie. Une jeune fille ne saurait avoir aucune obligation de ce genre envers son voisin. « Rassurez-vous, c'est ma voisine que j'ai en vue, » dit Anna, riant doucement. « Enfin, résumons-nous. Vous voulez, si je vous entends bien, vivre ici et vous consacrer au bonheur des barbares qui vous entourent. L'oncle Joachim me le conseille comme ma meilleure chance de perfectionnement moral. Indicible idiot !» articule Suzy avec un mépris sauvage. « Alors votre bon argent va être prodigué à ces teutons ? N'y a-t-il pas assez de pauvres en Angleterre, s'il faut absolument vous poser en bienfaitrice du genre humain ?»« Je ne voudrais poser en aucune façon. Je voudrais être heureuse et faire partager à d'autres mon bonheur. Pardonnez-moi cette répétition, dit Anna, reprenant la main récalcitrante et y appuyant sa joue. Soyez-moi indulgente, Suzy. Laissez-moi chercher ma voie. Et si je me trompe, accueillez-moi avec bonté quand je reviendrai à vous, confuse et humiliée. Et qui sont, je vous prie, les intéressantes pauvresses à qui vous allez dédier vos soins ? Celles que je plains le plus au monde, s'écria Anna avec élan, celles de conditions nobles. C'est dans la forêt ce matin que cette idée m'a frappé. Pourquoi irais-je chercher à soulager des misères que je ne connais pas, alors qu'il en est d'autres que je comprends si bien ? Pourquoi aller dans des taudis distribués en argent toujours insuffisant, alors que j'ai sous la main la possibilité de soulager véritablement quelques infortunes ? Un asile tout trouvé pour celles qui n'en ont pas. Une maison immense, des chambres à profusion. J'ai bien compté, il y a place ici pour loger commodément 12 personnes au moins, et c'est là ce que j'ambitionne de faire. Inviter 12 dames bien nées, de bonne famille, mais tombées dans le malheur, la dépendance et la pauvreté, à venir vivre avec moi, à partager tout ce que j'ai, sur le pied de la plus parfaite égalité. Dites, Suzy, rendre à 12 créatures humaines l'espoir, le courage, la joie, n'est-ce pas un beau rêve ? Elle est folle, faut l'allier, s'écria Lady Estcourt, bondissant sur ses pieds, incapable d'en supporter davantage. Que faire, que faire ? Qui ne la blâmerait pour avoir laissé exécuter ce plan digne d'une maison d'aliénés ? Et quels moyens avait-elle de s'y opposer ? Qu'allait-il advenir d'un projet si monstrueux ? Quel drame, quel désordre ne fallait-il pas attendre de l'introduction insensée de 12 pauvresses dans la maison ? Que penseraient leurs amis ? Que dirait le monde ? Et Suzy, éloignée par nature de tout excès philanthropique, ennemie déclarée de l'excentricité sentimentale, et détestant par-dessus tout de voir jeter l'argent par la fenêtre, Suzy se sentait elle-même tournée à l'aliénation mentale devant des difficultés d'un ordre aussi imprévu. « elle est folle !» répétait-elle, allant çà et là par la chambre. « L'argent de ce stupide vieillard lui a tourné la cervelle. Je craignais bien que mon idée ne vous plût pas. » dit la coupable, d'une voix contrite. « Me plaire ? Bien !» fit Suzy, s'arrêtant soudain devant elle. « Je ne puis rien faire pour arrêter cette folie. Vous êtes majeur, vous êtes libre, et sans doute Peter, si j'en appelais à son jugement, donnerait pleine approbation à de si beaux projets. Mais rappelez-vous mes paroles, vous vous repentirez de ceci. Pour moi, je m'hâte de revenir en pays civilisé, et je vais tâcher de vous procurer au plus tôt une personne de confiance, capable de vous chaperonner. C'est tout ce que je puis faire pour vous. » « Non, chère Suzy, ne vous donnez pas cette peine. Une Anglaise ne pourra mettre ici d'aucun secours pratique. Et d'ailleurs, l'oncle Joachim m'engage expressément à chercher pour compagne une Allemande. Oh, cet oncle Joachim !» Suzy ne pouvait l'entendre nommer sans colère. Qu'il laissa son argent à Anna et rien à Peter, passe encore. Mais quel besoin avait-il d'aller remplir cette jeune tête de bilbesée, de projets de perfectionnement, de vie meilleure et autres radotages insoutenables ? Et elle, n'en avait-elle pas fait aussi des projets ? Mais qui s'occupait jamais de satisfaire ses aspirations ou de lui complaire en rien ? Sans le laisser paraître, Lady Estcourt avait bâti de grandes espérances sur la situation nouvelle qui s'ouvrait. De l'humeur enchanteresse où elle était depuis son émancipation, Anna allait sans doute s'associer plus docilement à ses visées ambitieuses, et secondée sérieusement par cette heureuse créature à qui partout souriait la bienvenue, où ne montrait-elle pas ? Sans compter que Miss Estcourt ne pourrait décemment refuser désormais de partager en quelque mesure les dépenses de la maison. Et au lieu de ce retour triomphal, il lui fallait trouver le blâme, renoncer aux économies entrevues et retomber à l'abandon de jadis. « Ne dépensez jamais un sou pour la famille de votre mari, si vous voulez trouver de la gratitude, » jeta-t-elle enfin, d'un accent mélodramatique. Et ayant rappelé Hilton, elle mit un terme à l'entretien.